ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie, le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Fan de chansons françaises de tous les temps et tous les autres auditeurs, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, Nancy 94.2. Daniel avec vous, Yves à la technique, pour vous présenter La Cerise sur le Canto. Une toute nouvelle émission consacrée à la chanson française. Un rendez-vous quoi, tous les jours, tous les 15 jours, pardon, d'une heure et que vous retrouverez chaque dimanche à 10h. L'émission La Cerise sur le Canto, et bien parlons-en. Le principe consiste à passer en revue le siècle et au-delà, de Miss Tinguette à Maître Gims. Au passage, parmi des chansons connues, on intègre des morceaux oubliés totalement et qui constituent de véritables pépites, des cerises, que nous ressortons avec plaisir. Premier titre oublié, et pourtant gagnant du Grand Prix de l'Académie Charles Cros, couronnant la chanson française en 1968, alors à écouter dans le calme, fermez les yeux, surtout si vous ne conduisez pas. Vous y êtes ? Lorsqu'on est heureux, Jacqueline Dulac. Lorsqu'on est heureux, on devrait pouvoir arrêter la vie, arrêter le temps, la terre et les gens qui n'ont rien compris. Lorsqu'on est heureux, on devrait avoir pour unique envie tout au long des jours, encore et toujours, de s'aimer d'amour pour tout partager, ses joies, ses baisers, au même soupir. On devrait mourir. La la la la la, la la la la la, on devrait mourir. En 1969, en pleine gloire, Jacqueline Dulac, il faut qu'on en reparle, elle devait ressortir un nouvel album qui s'intitulait Le Lion. Bon, alors pour les besoins de la production et de la promotion, il était convenu de faire une photo de l'artiste seul dans une cage avec des lions. Alors, on cherche le lieu, on le trouve, on cherche un dompteur, justement il y en a un qui est libre de tout engagement, on le trouve, on cherche des lions et on en trouve quatre. Alors le grand jour, au moment donné, Jacqueline Dulac, on l'imagine pétrifiée, entre seule dans la cage, et c'est alors que l'un des lions se jette sur elle, et les autres suivent, et c'est un véritable carnage. Le dompteur se planque, et c'est l'impresario de Jacqueline Dulac qui réussira à l'extirper des griffes des fauves. Alors, à la sortie d'une longue et douloureuse période d'hospitalisation, elle entreprend une très grande tournée dans le monde qui l'a tout éloignée des scènes parisiennes. Et à son retour, le vent du succès a tourné et on la verra surtout dans les cabarets parisiens. Voilà, c'était Jacqueline Dulac. Maintenant, une chanson créée en 1930. Oh, c'est simple, c'est la plus connue du folklore réunionnais. Elle est interprétée par un néo-zélandais que vous connaissez, Grimal Wright, Petite fleur fanée. Souviens mon aîné adoré, le petit bouquet que vous la donne à moi. N'a longtemps que lui les fanées, si vie souvient comme ça les loin. Vie souviens mon aîné adoré, le petit bouquet que vous la donne à moi. N'a longtemps que lui les fanées, si vie souvient comme ça les loin. Fleur fanée, petite fleur aimée, qui a moi toujours, quoi que c'est l'amour. Vie marchait dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais, dans les herbes n'avait la rosée, dans le ciel oiseau. Ça, le temps l'a passé, il ne reste plus qu'un doux souvenir. Quand m'y pense, mon cœur est brisé, tout ici bas comme ça, il doit finir. Petite fleur fanée, petite fleur aimée, dis-moi toujours, crois que c'est l'amour. Alors nous sommes en 1954. Jacques Brel, ah oui Jacques Brel, souhaite entreprendre une carrière lyrique, malgré l'avis de sa famille, qui cherche à l'en dissuader. Et Grand Jacques, c'est le titre de la chanson, c'est la chanson qui déterminera l'artiste à se lancer. Grand Jacques, Jacques Brel. « C'est trop facile d'entrer aux églises, de déverser toute sa saleté face au curé qui, dans la lumière grise, ferme les yeux pour mieux nous pardonner. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu du bon Dieu? Un cantique, une image, tu n'en connais rien de mieux. C'est trop facile quand les guerres sont finies d'aller gueuler que c'était la dernière. Amis bourgeois, vous me faites envie, vous ne voyez donc point vos cimetières. Tais-toi donc, grand Jacques, laisse-les donc crier, laisse-les pleurer de joie, toi qui ne fus même pas soldat. C'est trop facile quand un amour se meurt, qu'il craque en deux parce qu'on l'a trop plié, d'aller pleurer comme les hommes pleurent, comme si l'amour durait l'éternité. Tais-toi donc, grand Jacques, que connais-tu de l'amour? Des yeux bleus, des cheveux fous, tu n'en connais rien du tout. Et dis-toi donc, grand Jacques, dis-le toi, bien souvent, c'est trop facile. C'est trop facile de faire semblant. Suzy Solidor. Ah, l'une des toutes premières chanteuses à parler librement de son homosexualité. Eh bien, Suzy Solidor, c'était une descendance du corsaire Surcouf. Alors, Larry Orson, c'est un peu comme cela qu'on appelait, s'autorisa néanmoins une liaison avec l'aviateur Jean Mermoz. Sans doute inspiré par des tableaux des danseuses d'Edouard Degas, vous savez, les danseuses avec les tutus blancs, ou ceux des coulisses de l'opéra de Jean Béraud, le peintre de la Belle Époque, eh bien, c'est une chanson de 1948, Le Petit Rat, Suzy Solidor. Un petit rat de l'opéra trottinait à tout petit pas sur l'avenue de l'opéra. Une Victoria jaune ses draps, tiré par un cheval à poil ras, soudain lui emboîta le pas. Il y avait dedans un vieux galant qui retira son panama, lui murmura des mots tout bas. Le petit rat ne répondit pas, pressa le pas puis s'engouffra dans l'opéra. Un, deux, trois, chassés et croisés, mollets cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, partez du pied gauche ou du pied droit. Et tous les jours, le petit rat, deux pas par-ci, trois pas par-là, dans le foyer de l'opéra, dansait le ballet de Sylvia. Le soir, voilà que la Victoria, avec son cheval à poil ras, l'attendait devant l'opéra. Le vieux galant était dedans, et dès qu'il vit le petit rat, re-retira son panama. Le petit rat ne répondit pas, baissa la tête, accéléra, toujours suivi de la Victoria. Mais le lendemain, le surlendemain, la Victoria se retrouva sur son chemin. Un, deux, trois, chassés et croisés, mollets cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, partez du pied gauche ou du pied droit. Et tous les jours, le petit rat, deux pas par-ci, trois pas par-là, fuyait l'homme à la Victoria, ce vieux poussa qu'elle scéléra. Cela dura jusqu'au jour où le vieux monsieur fort en courroux bondit hors de la Victoria, pris par le bras, le petit rat, en lui disant j'en ai assez de courir comme un dératé, j'en ai assez, assez de jouer au jeu du chat et de la souris avec un rat de votre gabarit. Mon fils loulou est fou de vous, c'est non, c'est oui, le voulez-vous comme mari? Un, deux, trois, chassés et croisés, mollets cambrés, mademoiselle. Un, deux, trois, mais cette fois-ci partez du pied droit. 8 jours après tout l'opéra, danseurs, chanteurs, etc., portez la traîne du petit rat, marche nuptiale, Ave Maria. Voilà, voilà, voilà, voilà, Voilà, voilà, voilà comment se maria notre petit rat de l'opéra, voilà. Monsieur Eddy fait partie du voyage aujourd'hui, bien entendu, et il va nous interpréter Rio Grande. Alors, il y a deux versions, bien entendu. Il y a la version de 1993, la version originale, et puis une version 2018 qu'il a tournée avec Laurent Voulzy. Ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est la version de 1993, Rio Grande, Eddy Mitchell. Comme dans un film noir, un jeune couple embarqué dans une sale histoire. Ils veulent ficher et rechercher. La vie les a changés en marginaux blessés, en cavale, changeant chaque soir d'hôtel d'identité, évitant les bars, bête traquée, une seule lueur. Ça sera la fin du blues dans le port de Veracruz. Rio, Rio Grande, dès la frontière passée, nous serons blanchis, sauvés.

malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly, dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly, professeurs de maths qui se mettent à chanter, eh ben, vous en connaissez ? Ah, il y en a au moins deux. Le premier, c'est Bernard Ménez, prof de maths, comédien bien sûr, et chanteur aussi dans les années 80, jolie poupée. Mais c'est pas de lui que nous allons parler. Nous allons parler d'un autre prof de maths reconverti dans la chanson, Bernard Sauvat. Alors, il reçoit le prix du disque de l'été en 1970 avec cette chanson « L'amour, il faut être deux » Bernard Sauvat. Oh, qu'il est grand, la nuit, notre grand lit, sans toi, poudrier s'ennuie, il n'y a pas que lui. L'amour, il faut être deux, tu sais. L'amour, il faut être deux, sur la table de nuit, le roman policier que tu n'as pas fini se demande où tu es. L'amour, il faut être deux, tu sais. L'amour, il faut être deux. Je ne sais même plus très bien la raison pour laquelle tu es parti déjà. Alors tu vois, reviens. L'amour, il faut être deux, tu sais. L'amour, il faut être deux. J'ai disposé partout des bougies, des bouquets, champagne frappé. Tu n'as plus qu'à rentrer. L'amour, il faut être deux, tu sais. L'amour, il faut être deux. Oh, qu'il est grand, la nuit, notre grand lit, sans toi, poudrier s'ennuie. Il n'y a pas que lui. L'amour, il faut être deux, tu sais. L'amour, il faut être deux. L'amour, il faut être deux, tu sais. L'amour, il faut être deux.

doudou dit bonjour toujours aux dames, aux demoiselles qui viennent acheter chez elle. Des bikinis pourris très chers à fleurs ou à rayures panthères. Elle est polie avec les mémères qui mériteraient des beignes. Les gentilles avec les belles-mères, elle connaît pas la mienne. La doudou sait sans dire un mot qu'elle supporte les pauvres têtes. Des poufias de la conso qui croient comme les bêtes que la beauté s'achète dans son petit magasin. L'amour n'entre jamais, mais ça ne fait rien. La doudou, elle s'en fout. Au mois d'août, aimez-les-vous. Allez, vas-y mon vieux Jean-Louis là. Doudou va larguer bientôt son tout petit boulot de vendeuse de maillots. Dans un pays plus chaud, plus beau, elle va aller brûler sa peau. Dans son île sous les cocotiers où elle est la plus belle, le soleil, l'amour, le reggae vont bientôt s'occuper d'elle. De son corps bronzé tout entier sans la marque du maillot, la loulou n'emporte jamais, elle dit ce truc idiot, c'est bon pour les cajots dans son petit magasin. La loulou trouve qu'il est long le mois de juin. La loulou, elle s'en fout. Au mois d'août, elle met les bouts. La loulou, elle s'en fout. Au mois d'août, elle met les bouts. La loulou. Elle s'en fout, au mois d'août, elle met les boubous, la doudou. Elle s'en fout, au mois d'août, elle met les boubous. La doudou, la doudou, la doudou, la doudou, la doudou, la doudou. La doudou, la doudou, la doudou, la doudou, la doudou. La doudou. Elle s'en fout, au mois d'août, elle met les bouts. La doudou, elle s'en fout, au mois d'août, elle met les bouts. La doudou, elle s'en fout, au mois d'août, elle met les bouts, bouts, bouts. La doudou, elle s'en fout, au mois d'août. Voilà maintenant la chanson qui a relancé le groupe Indochine en 2002. Alors, c'est vrai qu'Indochine était abandonné par les médias durant 10 ans. Has-been, qu'on disait, ringard. Et puis, Indochine sort un single et qui se classe à la première place des ventes en France et en Belgique. Pan sur le bec. Alors, à partir de ce moment-là, bien entendu, les grands médias se sont remis à courtiser le groupe Indochine. C'est ce qui s'appelle « Voler au secours de la victoire ». J'ai demandé à la Lune Indochine. Comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas. Je me suis dit quelle infortune, et la lune s'est moquée de moi. J'ai demandé En 1994, les victoires de la musique la consacrent meilleure interprète féminine de l'année, ainsi que sa chanson meilleure chanson de l'année. Il s'agit de Enzo Enzo, juste quelqu'un de bien. Debout devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin. Une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien. Penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence, comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, sans grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Oh! Il se passait des choses sous les ponts de Paris en 1950, et c'est peut-être plus les mêmes choses, mais ça n'a pas changé. Il se passe toujours quelque chose sous les ponts de Paris, Lucienne Delisle. À Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se profilent en cachette et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher. Parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris, à la sortie de l'usine. Julot rencontre Nini. Ça va-t-il, la rouquine? C'est à fête aujourd'hui. Prends ce bouquet, ce brin de muguet. C'est peu, mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'a pas de quoi se payer une chambrette, un couple heureux vient s'aimer en cachette, et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, Julot partage les baisers de Nini, sous les ponts de Paris. Au partage des baisers de Nini sous les ponts de Paris. C'était Lucienne Delisle. André Perron. C'est un chanteur. Est-ce que vous connaissez André Perron? Non. pas grand monde connaît André Perron. Il s'agit d'un chanteur provençal qui, dans les années 80, avait réussi à intéresser les grands médias parisiens. Il avait été reçu notamment dans une émission de Michel Drucker. Alors, au départ, André Perron, c'est un clerc de notaire. Et il travaille à Saint-André-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. En plus, il était maire, d'un petit village, Torambas, un petit village de 200 habitants, situé dans la montagne. Alors là, Torambas, pour y aller, je peux vous dire qu'il faut vraiment vouloir y aller. Et André Perron, il était là. À la suite des entretiens qu'il a pu avoir, un contrat avec les disques Barclay. Et André Perron intègre l'équipe. Vous savez, les artistes sont souvent par équipe au niveau des agents, des trucs comme ça. Et il intègre l'équipe de qui ? De Claude Nougaro. Bon. En 1985, les résultats de Claude Nougaro ne sont pas ceux que Barclay attendait. Et Barclay décide de virer Nougaro et toute son équipe. Et blanc. André Perron, qui démarrait une carrière artistique en France et au Brésil, réintègre aussitôt son étude notariale et se fait le plus discret du monde. Pourquoi c'est au Brésil ? Tout simplement parce que André Perron, chanteur provençal, a également fait des chansons en patois provençal et au Brésil, le portugais brésilien comprend le patois provençal. C'est en tout cas ce que m'a dit André Perron, avec qui j'ai eu l'occasion de converser. Alors, André Perron demeure toujours à Torambas. Il se produit de temps en temps dans ces régions en Provence. Oh, puis il est bien là-bas, il est peinard. Et sa compagne Ariel Thomas est une peintre d'un certain renom et tout va bien. Alors, André Perron, avec la Grande Ourse, et là je pèse mes mots, il signe une des plus belles chansons du répertoire français de tous les temps, La Grande Ourse, André Perron. As-tu vu la Grande Ourse et son chariot d'étoiles qui roule sur la nuit sa charge de frissons? Et connais-tu la joie du soleil qui étale l'argent de la cascade et l'or de la moisson? Connais-tu, mon ami, le miel du chèvrefeuille et la saveur des foins et l'odeur des sentiers qu'un vent de quelque part le soir caresse et cueille après la pluie d'été pour t'en faire un bouquet? As-tu remonté l'eau pour en trouver la source? Aux perles des rosées, as-tu taillé miroir? Et vu sur les rochers l'ombre de la Grande Ourse s'enfuir devant le jour, complice du renard? Avec ces presque rien, je te ferai baptême. De ciel, de vent et d'eau, je te ferai présent. Les oiseaux t'aimeront avant que tu les aimes. Et si tu tends la main, ils nicheront dedans. Quand tu auras passé la porte des étoiles, lumière éclairera peut-être ton chemin. Le vent de mon pays gonflera ta grande voile. Et la Grande Ourse alors te prendra par la main. Le vent de mon pays gonflera ta grand voile. Et la grande ours alors te prendra par la main. Avant de conclure cette émission, il faut que je vous précise quelque chose. J'ai demandé à un certain nombre de personnes qui écoutent Radio Fadjet d'être le jury. Le jury de cette programmation de titres aujourd'hui. Et ils vont classer les titres selon leur goût. Et les trois premiers qui auront été classés, premier, deuxième et troisième, seront repris lors de notre prochaine émission. Alors, la cerise sur le canto d'aujourd'hui tire à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours, dimanche prochain, 10h, de 10 à 11. Cela dit, vous me retrouverez la semaine prochaine avec Pat Jork à l'écoute des musiques du monde. Une nouvelle émission, même jour, même heure, dimanche, 10h. En attendant, soyez heureux à l'écoute de Radio Fadjet. Ce n'est qu'un point de poésie dans le ciel des matins de pluie. Le satin rose de ta peau que je caresse avec des mots. C'est un baiser un peu futile dans un tendre matin d'avril. C'est une bouteille à la mer, une oasis dans le désert. Une chanson, c'est trois fois rien, une chanson.